La préhistoire du futur de Benjamin Habitant. Saison 2. Épisode 4. Le grand registre des déchets. Il y a bien longtemps, en 2017, dans le conseil d'administration de certaines multinationales, on commença de s'interroger sur quelques petits problèmes environnementaux. Voilà, je vous ai réunis parce qu'on a quelques dizaines de milliers de tonnes de déchets nucléaires à escamoter et il faut qu'on trouve un moyen de le faire sans alerter l'opinion. Il reste pas des Indiens quelque part à qui on pourrait les vendre ? Je sais pas. Siri, est-ce qu'il reste des Indiens ? Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web pour est-ce qu'il reste des Indiens. Laissez tomber, j'ai une meilleure idée. L'idée de Jean Emmerich était fort simple. Il s'agissait de redéfinir le concept même de déchets. Un plan fut rapidement élaboré. Avec nous ce soir, le philosophe Jean Emmerich Lefour. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un parcours plutôt atypique. Vous étiez jusqu'à l'année dernière cadre dans une multinationale, dans le secteur de l'énergie, et vous avez démissionné pour écrire votre premier livre, Un véritable brûlot, c'est bête de jeter. Jean Emmerich, d'où vient ce titre ? Eh bien de ma grand-mère, en fait. En cela, Jean Emmerich Lefour me disait vrai. Jean Emmerich ! Oui ? Qu'est-ce que t'as fait de ton pansement ? Il s'est décollé, il est tombé dans les toilettes. Donne, je vais le remettre dans la boîte pour la prochaine fois. Oui, mamie Odette. C'est bête de jeter. Oui. Jean-Emeric Lefourbe avait profondément revisité la pensée de mamie Odette. Son livre permettait d'envisager la valeur déchets comme une manne potentielle. Aujourd'hui, les déchets nucléaires nous paraissent encombrants. Qui sait si avec les technologies de demain, ils ne seront pas la première source de richesse ? Cette manière de voir les choses eut un succès inespéré. Je vous débarrasse ? J'aimerais avoir un doggy bag, s'il vous plaît. Mais vous avez juste pris une infusion en sachet ? Je sais pas si vous avez lu le livre de Jean-Emeric Lefourbe, C'est bête de jeter. En peu de temps, l'opinion fut gagnée à sa cause. La conservation des déchets fut un des grands thèmes de la campagne présidentielle. Et je créerai, si je suis élu, un karaoké national pour que Jean-François Copé puisse continuer à servir son pays en faisant ce qu'il sait faire, jouer du piano. Pourquoi cette décision, François Fillon ? C'est bête de jeter. Je crois que les Français l'ont bien compris et La première partie du plan avait fonctionné. Il était temps de mettre en œuvre la phase la plus importante. À la tête du nouveau ministère de la conservation des déchets, Jean-Emeric Lefourbe a fait cette déclaration ce matin devant la presse. La France est à la tête d'un patrimoine de déchets d'une richesse inestimable. Ce sont 15 000 mètres cubes de déchets nucléaires par an. Ce sont 700 000 tonnes de déchets hospitaliers, pansements et autres. Ce sont 354 kilos d'ordures par an et par habitant. Et si nous savons les valoriser, ce sont autant d'atouts pour l'avenir. C'est pourquoi, avec l'accord du chef de l'État, je suis fier d'annoncer l'ouverture prochaine du Centre français d'archivage des déchets, qui est déjà en cours de construction par des robots. Sur la Lune. Je vous le CEFAD fut édifié en quelques mois. On avait tout fait pour qu'il ne ressemble pas trop à une poubelle, mais plutôt à une bibliothèque. Dès 2024, en vertu de l'obligation de dépôt légal, tout déchet produit sur le territoire devait être envoyé dans l'espace et trouver sa place sur les étagères du centre. Siri, vide la poubelle dans l'espace. Voici le résultat de ma recherche sur Internet pour la plus belle vitre du Renault Espace. Laisse tomber, je vais le faire à la main. D'accord. Là, il recevait un traitement complet. Et donc ensuite, les déchets sont vitrifiés, stabilisés, pardon, ou quand c'est possible, surgelés. Et puis nous les classons selon une nomenclature très précise et nous les inscrivons dans ce registre. Le réflexe, vite acquis par la population, d'envoyer régulièrement ces déchets dans l'espace, n'allait pas sans quelques erreurs de parcours. Dis donc, t'as pas vu notre fils ? Lequel ? Celui avec les yeux couleur menthe forte ? Non, celui qui a une casquette marrante avec une petite hélice. Envoyé dans l'espace. Oh non ! Heureusement, de par le cahier des charges du CEFAD, tout citoyen était fondé à consulter les registres pour retrouver un déchet en particulier. Bah, je savais pas qui tenait. Mais attends, on va remplir un formulaire de recherche sur le site du CEFAD, ça prend 5 minutes. Non, c'est bon, j'en achèterai un autre. Bah, c'est comme tu veux. Pendant ce temps, la production de déchets continuait d'augmenter. Et le centre, devenu mondial, connu des vagues d'agrandissement successives à des intervalles de plus en plus rapprochés. La main-d'œuvre était essentiellement robotique. Mais on trouvait aussi des travailleurs du très grand Paris faisant journellement la navette. Ça va, tu galères pas trop le matin ? Bah, ça va, de Montigny, j'ai le RERW qui m'emmène à Nantes. Là, je prends un supersonique jusqu'à Dakar. Le tunnel sous l'Atlantique, change au Brésil et après, je suis à Kourou en 30 minutes. Il y a des navettes tous les combien ? Alors ça, malheureusement, ça dépend des grèves. Jean-Aymeric Le Fourbe était le seul résident à temps plein. Il s'était fait construire un luxueux appartement de fonction. Au dernier étage du bâtiment principal. Le soir, depuis sa terrasse chauffée, il contemplait les milliers d'entrepôts qui recouvraient désormais la totalité du sol lunaire. Et le balai à l'entropie croissante des millions de drones. Qui triaient les centaines de milliards de déchets en provenance de la Terre. Mais une ombre hantait son visage. On racontait qu'il passait ses nuits. Des nuits lunaires, soit 14 jours terrestres. À compulser maladivement les registres. Particulièrement la section des déchets médicaux. À la recherche d'un déchet introuvable. Siri, toujours rien au nom de Le Fourbe Odette ? Voici le résultat de ma recherche sur Internet pour la fourme d'Ambert. En 2154, avec l'invention de la pilule d'immortalité, on dut faire face à un problème de surpopulation. Des parcelles du centre furent vendues à des promoteurs. Et sur les toits des gigantesques entrepôts, des villes furent édifiées. Étrangement, nous nous sentons mieux depuis que nous vivons à nouveau parmi nos déchets. Davantage à notre place. La pilule d'immortalité a été interdite vers 2200. C'est mieux, comme ça. Tout ça n'a plus maintenant vraiment d'importance. L'humanité s'est toujours tenue ainsi. Quelque part entre les poubelles et l'éternité. Mais incontestablement plus proche des poubelles. Voici le résultat de ma recherche sur le web pour tout ça n'a plus maintenant vraiment d'importance. Tout ça n'a plus maintenant vraiment d'importance. C'était La Préhistoire du Futur de Benjamin Habitant. Retrouvez le générique complet de cette émission sur franceculture.fr.